مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنواصل إن شاء الله في النواصب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. قال: وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Donc on avait pu prendre hier les quatre premiers, c'est-à-dire أن ولن وإذا وكي. Et on a pu évoquer que Al-Nawasib, ala khilaf maqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, parce que c'est un koufi, Al-Nawasib arba'a, an, walan, wa idhan, wa kay. Et on avait pu voir que Al-Nawasib, min haythu al-nasb, tanqasimu ila thalatha taqsam: qismun yansib nafsihi, qismun wa hiya an, walan, wa idhan, wa kay, wa qismun yansibu bi an mudmara jawazan, wa huwa lam wa kay, وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا كي لام الجحود حتى والجواب بالفاء والواو وأو. Donc on va prendre inshallah la suite après avoir pris le قسم الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، يعني من الأحرف التي تنصب للفعل المضارع بنفسه، وهي لن ولن أن ولن وإذا وكي. Donc on s'est arrêté à كي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولام كي. نعم، ولام كي il fait partie du قسم الذي ينصب الفعل المضارع تام بواسطة أن المضمرة جوازا، c'est-à-dire que on peut le faire apparaître comme on peut ne pas l'évoquer. تام. Et ce قسم-là est le nombre de 1 qui est quoi؟ لام كي. Et لام كي تسمى كذلك لام التعليل أيضا. تام. On l'appelle كذلك لام التعليل. لام كي أش معنى لام التعليل؟ الذي c'est celui qui va porter le sens de la عِلَّة de la cause. تام. مثلا قول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. Le lam qui est entré dans plutôt dans تبين, on appelle ça lam التعليل. يعني بمعنى on a descendu sur toi الذكر qui est la sunna comme l'évoqué Cheikh Al-Albani عليه رحمة الله لتبين للناس, afin que tu l'exposes aux gens. Donc là, afin que, le sens du تعليل. Donc c'est cette lame-là, c'est pas elle qui rend mansoub le fi'l al-mudari' qui après. Cette lame-là, elle a comme fonction, on l'appelle lame al-jarrah. Tam, lame al-jarrah. Tam. Et ce qui va rendre mansoub le fi'l al-mudari' c'est an mudmara jawazan. C'est-à-dire que tu peux la faire apparaître comme tu peux ne pas la faire apparaître. مثلا قول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. Tam. On aurait pu évoquer en dehors du Coran: وأنزلنا إليك الذكر لأن تبين للناس. لأن تبين للناس. Tu peux dire ceci et comme tu peux dire كذلك cela. Lorsqu'on fait l'Arabe, on dira مثلا, on va prendre la ayah, on va juste prendre لتبين للناس. On dira lam, lamul jar. Lam, lamul jar. والفعل المضارع تبين فعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا il est منصوب par la أن qui est مضمرة qui est sous-entendu تام qui est caché جوازا pourquoi parce qu'elle peut apparaître تام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره تام et comme on a pu le voir تام أن c'est un حرف نصب ومصدر تام واستقبال donc là comme on a pu le voir donc si jamais c'est un حرف مصدر donc il y a un تأويل C'est-à-dire que N et le fi'l al-mudari', ils vont être interprétés comme étant un masdar. Donc là, c'est comme si c'était dit « Wa anzalna ilayka al-dhikra li tubayyin al-nas » « Ay wa anzalna ilayka al-dhikra li tabiyin al-nas » « Li tabiyin al-nas » « Tabiyin » c'est le masdar de « bayyana » Donc après, si jamais, lorsqu'on a fini cet arabe-là, on dira « N wa ma dakhala alayha fi mahal jar » اسم مجرور تام باسكو لو لام تام كون كما انا بيفوكي سان حرف جر تام اي ان اي لو فعل المضارع سي كوم سي جام سيتي كوا مصدر دونك ان اسم دونك سي كوم سي جام سيتي دي كوا وانزلنا اليك الذكرى لتبيين الناس لتبيين للناس تام لتبيين للناس دونك لا شيما اون دي تبيين للناس اون دي علام حرف جر وتبيين اسم مجرور دونك لا ميم شوز افيك كوا لو ان وما دخل عليها تام سادير كون في الاعراب comme on a pu évoquer, on évoque « an », ensuite on évoque « tubayyina », ensuite on dit « an wa ma dakhala alayha » ay al-fi'l al-mudari' fi mahal huna, fi mahal jar ismu majrur, parce qu'il y a l'âme qui est rentré dedans, l'âme jar. Donc ça c'est par rapport à l'i'rab de l'âme, ou plutôt l'âme kay, qui s'appelle aussi katalika l'âme ta'lid, elle est plus connue par l'âme ta'lid, c'est un harf jar, dans ce cas-là c'est un harf jar, et c'est pas lui qui rend mon soub al-fi'l al-mudari' لكن بواسطة أن مضمرة جوازا c'est-à-dire qu'elle peut apparaître comme ne peut apparaître من باب الفائدة تمام أن المضمرة تمام on a dit que جوازا لا تظهر تمام جوازا plutôt جوازا elle peut apparaître comme elle ne peut ne pas apparaître تمام لكن dans un cas elle sera obligée d'apparaître plutôt dans deux cas on va en évoquer qu'un parce que le second est un peu complexe تمام c'est lorsque il va être apporté une négation que, non, si jamais tu ramènes une négation dans le fi'l al-mudari' il sera obligé de qu'on fasse apparaître N مثلا قوله سبحانه وتعالى نعم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني c'est comme ça c'est dit لأن لا il y a eu un idgham qui a été fait parce que nous on est sakina avec le lam تام كي متحرك يفون إدغام تام دونك كيما كوم سي جامي يافان لام مشدد لكن الأصل سي كوا لأن لا يكون للناس على الله حجة دونك لا لا سونس دو لا فراز afin que les gens n'ont pas تام afin que les gens n'aient pas d'argument يعني auprès d'Allah عز وجل يوم القيامة en prétendant que les rasouls ne sont pas venus donc comment ils peuvent rentrer en enfer ceci et cela تام Allah عز وجل il a envoyé les messagers comme حجة et وإقامة الحجة donc ils n'auront plus d'excuses يوم القيامة Donc Allah il a dit quoi ? لأن لا يكون للناس على الله حجة afin que les gens n'aient pas de حجة يوم القيامة ils se prétendent des excuses hein. Donc là N est obligé d'apparaître pourquoi ? Parce que il y a une négation qui est rentrée dans le fi'l al-mudari' qui est يكون لأن لا يكون لأن لا يكون on ne peut pas dire لي لا يكون il n'y a pas de sens on ne va pas comprendre le sens لي لا يكون على الله لي لا يكون للناس على الله حجة on peut pas تام. Donc on est obligé de ramener ce quoi ce, on est obligé de faire apparaître dans ce cas là N تام. Donc al aslu fi lam kay ou lam ta'lil an al fi'l al mudari' alladhi ba'dahu yunsab bi an mudmara jawazan تام. C'est à dire que lorsqu'on va trouver lam ta'lil qui va rentrer dans un fi'l mudari' تام. Le fi'l al mudari' il sera mansoub par an al mudmara jawazan c'est à dire qu'on peut la faire apparaître comme on peut ne pas la faire apparaître lakin Dans deux cas, on en a cité qu'un, thème, et le prochain, inch'Allah, ce sera dans un autre livre. Le cas où tu seras obligé de le faire apparaître, ça sera lorsque il y aura une négation qui sera rentrée dans quoi ? Dans le fi'l al-mudari', comme on a pu évoquer dans la ayah. لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ Donc dans ce cas-là, أَنْ il sera obligé d'apparaître. Thème, c'est مِنْ بَابِ الْفَائِدَةِ par rapport à أَنْ الْمُضْمَرَ pour pas que la personne se dise mais on a vu que c'est jawazan si jamais on veut on la fait apparaître le n si on veut on la fait pas apparaître comment ça se fait que dans la ayah, les mufassilin, ceux qui ont fait les arabes du Coran, ils ont évoqué que là, c'est obligé que an il apparaisse, tam, c'est juste histoire que vous préservez vos esprits, tam, des wasawis, et dire, peut-être le cours, il y a eu des manquements dans le cours, et l'akhir, il a, tam. On évoque, ça, c'est un kitab de Mubtadi, al-ajrumiya, tam. Donc il y a des choses qu'on voit dans le même bab, lakin, qui sera dans un enseignement qui sera un peu plus approfondi. Donc là, c'est une bidaya, c'est pour nous rentrer, pour qu'on rentre dans le nahwo. Donc on peut pas évoquer tout ce qu'il y a dans le nahwo directement, car ça va faire lourd. Tam. Donc après, il dit, l'âme du hud, tam. L'âme du hud, là, il va passer au nawasib, tam. Al nawasib al-lati, tam, c'est le fer, le mutari', bi'an mudmara, wujuban. Là, il va évoquer tout ce qui est après l'âme, ok, c'est-à-dire l'âme du hud, hatta, Al-Jawab Bilfa, Walwaw, Wa'aw, tout ça, ça fait partie du qism qui va rendre le fi'l al-mudari' mansoub, lakin bi an mudmara, par l'intermédiaire de an mudmara, wujuban, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas. Idmar, al-an, huna, il sera obligé, wujuban. Donc il a commencé par l'âme al-juhud. L'âme al-juhud, ma'ruf, c'est na'am inkar ma ta'arif, le fait de refuter une chose que tu connais. Ça c'est al-juhud. Comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala fi Fir'aun wa jahadu biha wa istanqanatha anfusuhum. Il a prétendu ne pas connaître Allah azza wa jalla, alors qu'au fond de lui-même il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça s'appelle cette chose-là? On appelle ça al-juhud. Le fait de nier une chose que tu connais, on appelle ça al-juhud. Les grammairiens, ils ont donné kazalik un autre nom à ce lam al-juhud, ils l'ont appelé lam al-nafi. Ils ont dit, l'âme al-juhud, yani, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que lorsque tu vas la trouver, cette l'âme, c'est pas forcément qu'elle va apporter le sens du juhud. C'est-à-dire que la personne, yani, qui sera évoquée dans l'exemple ou dans la phrase, ce sera une personne qui va renier une chose qu'il connaît. Là, pas forcément. Ils ont dit, l'âme al-juhud, c'est bima'na l'âme al-nafi al-mutlaq. C'est pour apporter une négation totale, Donc, l'âme al-juhud, c'est juste minbab al-tasmiya. La négation à peut être d'une chose que la personne connaît comme une chose que la personne ne connaît pas. C'est pas forcément d'une chose que la personne connaît. Donc, le plus juste, ce sera de dire quoi? L'âme al-nafi. L'âme al-nafi, car ça englobe les deux sortes de négations, celle où la personne nie une chose qu'il connaît ou bien qui nie une chose qu'il ne connaît pas. Donc c'est pour ça que certains l'ont appelé l'âme al-nafi. L'âme al-nafi, c'est plus juste que l'âme al-juhud. Donc ce l'âme al-juhud, ou bien l'âme al-nafi, c'est le l'âme al-jar, on est toujours dans le harf al-jar, c'est le l'âme al-jar allati taqa' ba'da ma kana aw lam yakun al-naqisatayn. C'est le l'âme al-jar allati taqa' ba'da ma kana aw lam yakun al-naqisatayn. Donc le lam al-juhud, comme on a dit, le lam al-nafi al-mutlaq, c'est le harf jar, donc c'est un harf jar. Comme on sait, le harf jar ne rentre pas dans le fi'l, donc il est obligé qu'il y a une chose qui a été sous-entendue qui est an. C'est le lam al-jar allati taqa'af ba'da ma kana aw lam yakun. C'est le harf jar qui va rentrer dans la jumla dans laquelle il va être évoqué kana, ou plutôt ma kana ou lam yakun. Elle va venir après qu'on aura évoqué ma kana ou lam yakun anaqishatin, c'est-à-dire que celles qui rentrent dans le mubtada el khabar qui vont le changer. Mathalan Allahu halimun kana Allahu haliman, quand ils disent yani min akhawat yani kana ila akhirih, c'est celui qui va rentrer dans quoi? Dans le mubtada wal khabar. Dans le mubtada wal khabar. Amma le kana qui est tam, c'est-à-dire celui qui a un fa'il, c'est pas celui qui est évoqué dans l'âme du hutam. C'est pour ça qu'ils ont évoqué les grammairiens an-naqisatayn. On répète donc la définition de, ou plutôt le dhabit de l'âme du hut, qui est appelé aussi l'âme al-nafi, ou l'âme al-jar allati taqa' ba'da ma kana aw lam yakun an-naqisatayn. Mathalan qawlu subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Donc là, la lame qui est rentrée ici, est-ce que c'est lame ou kay? C'est pas lame ou kay. On appelle ça quoi? Lame nafi ou lame juhud. Pourquoi? Comment tu fais pour la reconnaître avec lame ou kay, celle qu'on vient juste de voir là précédemment? Si jamais tu vois avant le lame ou jar, qui a ma kana ou lam yakun qui a été précédé, tu vas l'appeler quoi? Lam nafi, et tu vas pas l'appeler quoi? Lam ta'lil. Sinon, c'est le même sens, ça a le même sens du ta'lil. Wa ma kana Allah li yadhlimahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de l'injustice envers ces personnes-là. Donc là, les arabes de li yadhlimahum, on va dire lam harfu jar. ويظلمهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. Il est منصوب par le أن مضمرة qui est sous-entendu بالوجوب obligatoirement. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. الفتحة الظاهرة في آخره. Et pourquoi on ne l'a pas appelé لم التعليل؟ Parce que il y a بارك الله فيكم il y a كان qui est rentré avant. ما كان qui est entré avant, c'est pour ça qu'on l'appelait l'amu al-juhud ou bien l'amu al-nafi. Le deuxième exemple avec مثلاً, lam yakun, lorsqu'on dit lam yakun, yani lam yakunu ila akhirih. C'est-à-dire qu'on trouve une négation avec le fi'l kana. Une négation avec le fi'l kana. Sawa kanat, yani ma kana, ou lam yakun. Lam yakun, lam yakunu ila akhirih. Qawlu subhanahu wa ta'ala, wa lam yakunillahu liyaghfir lahum. Wa nam. وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Donc là, كذلك, le lam qui est rentré dans يَغْفِرَ, c'est lam al-juhud, ou bien on appelle كذلك lam al-nafi. Comment on l'a reconnu? Parce que elle a été précédée par quoi? لَمْ يَكُنِ. لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Donc on appelle ça lam al-juhud, لِأَنَّ سَبَقَهَا اللَّفِعْمْ كَانَ, avec sa négation qui est lam. Donc l'i'arab, ce sera le même. On dira lam, harf al-jar. وأن plutôt يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Ensuite on, la même chose qu'on a pu évoquer avec lam ta'lil, on dira أن وما دخل عليها, c'est-à-dire أن ويغفر, ou bien dans le premier exemple أن ويظلمهم في محل جر, في محل جر اسم مجرور de لي. Donc si jamais on voudrait faire le ta'wil, ça donnerait en dehors du Coran lam yakunillahu ghufranahum, lam yakunillahu ghufranahum, et que dans le cas dans la première, ça donnera un ta'wil de an avec le fi'l al-mudari qui est transformé en masdar. Donc ça c'est par rapport à ce qui est en relation avec lam al-juhud qui est appelé kadhalika lam an-nafi. Comme on la reconnaît, c'est celle qui est c'est le lam al-jar التي تقع بعد ما كان أو لم يكن الناقصتين, c'est-à-dire celle qui rentre à la base dans المبتدا والخبر, et non pas celle qui est تام. On va évoquer un مثال avec لام التام. مثلا ما كان الإنسان ليعصي ربه, ما كان الإنسان ليعصي ربه. Et makana l'insan, c'est-à-dire qu'il ne revient pas à l'homme qu'il désobéit à son Seigneur. Makana l'insanu liya'siya rabbahu. Huna, est-ce que le lam huna c'est lam al-juhud? Là, c'est pas lam al-juhud. Pourquoi? Parce que même si jamais il a été précédé par makana, lakin ce makana là, c'est quoi? C'est pas le makana qui est naqis, c'est-à-dire celui qui a besoin d'un muftada et d'un khabar. Si jamais tu voudrais, même tu dirais, il y en a dans, d'apparence, il y en a d'un fa'il et d'un mafhubbi. Là, il a juste pris quoi? Un fa'id. Lorsque tu vois kana, qui a juste, il y en a qui s'est suffi d'un fa'id, comme c'est le cas ici, ma kana al-insanu li'ashiya rabbahu. On n'appelle plus ça lam al-juhud parce que le ma kana qui est venu juste avant, même si c'est la négation avec kana, lakin il n'est pas quoi? Il n'est pas naqis, il est tam. C'est-à-dire qu'il se suffit juste du fa'id, il n'a pas besoin de quoi? De maf'ul bihi. Donc là, si jamais on fait l'arabe, le lam huna, ce sera quoi? Lam al-ta'lim. Le premier qu'on a pu voir, celui qui yansib, yani plutôt yani yakun al-fi'l mudari' mansub bi an mudmara jawazan. Donc là c'est juste une bab de savoir que c'est pas toute fois où on va trouver ma kana ou lam yakun que le lam on va l'appeler quoi? Lam al-juhud. Il faut qu'il soit naqis. Donc ça c'est par rapport à quoi? Lam al-juhud. Qala rahmahullahu ta'ala wa hatta, n'am, wa hatta كذلك, ça fait partie des mawadi' التي تنصب الفعل المضارع لكن بواسطة أن مضمرة وجوبا, avec l'intermédiaire de أن مضمرة لكن وجوبا, يعني c'est obligé qu'on ne la fasse pas apparaître. Et cette hatta là, c'est kadalika harfujar. Kadalika, c'est un harfujar. Il a le rôle du harfujar. Et il sera bimana ila, yani ila ma'ruf, ou lam ta'lil. Ila, ou bimana lam ta'lil. مثلا قول سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. On ne cessera d'être sur l'adoration, yani du haut عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, jusqu'à ce que Moussa revienne. Donc حتى هنا c'est بمعنى إيش إلى. On peut dire في غير القرآن قالوا لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع موسى, jusqu'à ce que revienne Moussa. إلى أن يرجع موسى. Donc حتى هنا c'est بمعنى إيش بمعنى إلى. On peut trouver كذلك حتى بمعنى لم التعليل, بمعنى التعليل. مثلا أطلب العلم حتى تنجح. أطلب العلم ça peut être بمعنى إلى ici et بمعنى إيش بمعنى لم التعليل. أطلب العلم j'ai dit quoi, أطلب العلم حتى تنجح, أي أطلب العلم لتنجح. أطلب العلم لتنجح, étudie afin que tu réussis. Étudie afin que tu réussis. On peut dire كذلك أطلب العلم حتى تنجح, أي إلى أن تنجح, jusqu'à ce que tu réussis. Là les deux sens ils sont acceptables, yani c'est juste pour montrer le sens de حتى, lorsqu'il aura le sens de quoi, الجرة qui va entrer avec N, il aura soit le sens de إلى ou soit le sens de quoi, de إلا, de, je veux dire de l'âme ta'lil, de l'âme ta'lil. Son dhabit c'est que tu peux, yani, qu'il a cette ma'na là. Comment tu fais pour reconnaître que le hatta, yani, parce qu'il a plusieurs fonctions à avoir, yani, inshallah, il y en a dans d'autres kutub, il a plusieurs fonctions, lakin celui qui va rentrer avec an al-mudara pour rendre mansoub le fi'l al-mudari', c'est celui qui aura la ma'na de quoi, la ma'na de ila ou bien la ma'na de l'âme ta'lil. Il dit ila, yani, bi ma'na al-ghaya, c'est-à-dire ça arrive à un but. أطلب العلم حتى تنجح أي إلى أن تنجح أي غاية ذلك يكون النجاح. فكذلك donc il va rendre منصوب le فعل المضارع بأن avec أن مضمرة. مثلا يعني أطلب العلم حتى تنجح, on dit حتى حرف جر وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وأن وما دخل عليها في محل الرف نعم في محل الجر جدي في محل جر اسم مجرور parce que là c'est comme si jamais كذلك ça ça avait le معنى de quoi d'un مصدر parce que أن il va rendre le فعل مضارع comme un مصدر là ça voudrait dire يعني si on fait le تأويل ça dirait أطلب العلم حتى تنجح أي أطلب العلم للنجاح أطلب العلم للنجاح أو إلى نجاحك أطلب العلم إلى Najahika, jusqu'à ce que tu réussisses. Donc là, comme on peut le voir, Najahika, il est majrur, parce que c'est un ism majrur de l'âme, de nam de l'âme. Donc là, c'est l'i'rab yani de hatta al-jarra allati taqa' ou allati bima'na ila ou lam ta'lil. Lakin, avant que ce hatta là, yani, c'est-à-dire le al mudmara, il a la possibilité de rendre mansub le fi'l al-mudari' alladhi ba'da. Il y a une condition pour cela. Il y a une condition pour cela. C'est que le fi'l al-mudari' alladhi yaqa' ba'da hatta. Le fi'l al-mudari' qui sera évoqué après hatta, il faut qu'il ait le ma'na de l'istiqbal. Le fi'l al-mudari' il faut qu'il ait le ma'na de l'istiqbal bi nisbati ma qabla, bi nisbati ma qablahu, wa kadhalika bi nisbati zaman takallum. Lorsqu'on a dit أطلب العلم حتى تنجح النجاح, elle vient après après le moment qu'on lui a dit أطلب العلم, et c'est sur le moment que je suis en train de lui dire cela, c'est-à-dire que au moment où j'ai parlé النجاح il va venir après, donc il va venir dans l'istiqbal. Et كذلك أطلب العلم حتى تنجح, أطلب c'est le présent, et حتى تنجح c'est l'istiqbal. Hatta tanjah c'est l'istiqbal. Donc le shart, la condition pour que hatta avec an al-mudmara ils vont rendre mansoub al-fi'l al-mudari', il faut que le fi'l al-mudari' ba'da hatta il soit mustaqbal binisbati zaman takallum, yani par rapport au moment où on est en train de parler, et كذلك binisbati lil fi'l alladhi qablahu. Tam. Mathalan, lorsqu'on dit sum hatta tariba ash-shams, sum hatta tariba ash-shams, huna il est mansub. Tam, il sera mansub le fi'l al-mudari', parce que tarib, tam, le fait de, que le soleil se couche, tam, il vient, c'est un fi'l qui est mudari' binisbati sum. Sum, c'est le présent. Hatta tariba, c'est une chose qui va venir après. Et كذلك, au moment où je suis en train de parler, le soleil ne s'est pas couché. Lorsque je dis sum hatta tariba shams, est-ce que le soleil s'est couché là? Yani, continue de jeûner jusqu'à ce que le soleil se couche. Et hatta huna, c'est bimana ila. Bimana ila. Ay sum hatta, ay sum ila an tariba shams. Amma, si jamais le fi'l al-mudari' qui vient après hatta, il est bimana al-hal. Le présent, et le fi'l qui va venir après sera quoi? Il sera marfou'. T'as le fi'l qui va venir après, il sera marfou'. Tu auras le choix de rendre mansoub ou bien le rendre marfou'. Mathalan, j'avais évoqué par rapport à Qalu subhanahu wa ta'ala, wa zunzilu hatta yaqula ar-rasul, wal-ladhina ma'ahu mata nasrullah. Wa zunzilu hatta yaqula ar-rasul. Ils ont dit que dans d'autres riwayas, parce que ma'aruf le Coran, yani unzila ala sab'ati ahruf, dans cette version, cette manière de réciter, dans d'autres versions, il est dit wa zunzilu hatta yaqulu ar-rasul, avec un dhamma sur yaqulu. Et dans celle qui est connue dans Hafs, wa zunzilu hatta yaqula. Ils ont dit pourquoi d'un texte c'est yaqula et dans l'autre c'est yaqulu. Pourquoi? Par rapport à cette règle de grammaire. Parce que hatta, pour qu'il va rendre mansoub le fi'l al-mudari' alladhi ba'da avec an al-mudmara wujuban, il faut, comme on a dit, que le fi'l al-mudari' alladhi ba'dahu, il soit mustaqbal, il apporte le sens du futur, binisbati ma qablahu wa binisbati zaman takallum, au moment où on parle. Là, si on prend le verset wa zunzilu hatta yaqul ar-rasul, c'est-à-dire que le zilzal, wa zunzilu, c'est-à-dire qu'ils ont été ébranlés, ils ont été ébranlés, comme c'est traduit dans le Coran, hatta yaqul ar-rasul, au moins jusqu'au moment où an-nabi sallam il a dit ce qu'il a dit, mata nasrullah, à quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin bi nisbati zaman takallum, Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte une chose qui s'est passée. Là Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte une chose qui s'est passée. Donc là le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté, c'est-à-dire que hatta yaqul, c'est pas un fi'l mudari', yani mustaqbal bi nisbati zaman takallum. Pourquoi? Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta yaqul ar-rasul mata nasrullah, mata nasrullah, elle est survenue avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle cette chose là cet événement il s'est passé, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a descendu une aya naham à cette l'heure du Maghrib. On finit avec ça inshallah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Sahab ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset là après que soit survenu cet événement dans lequel ils ont été ébranlés jusqu'à ce qu'ils ont dit jusqu'à Naham, quand est-ce que va venir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là le fi'l al-mudari' qui est yaqul, il est mustaqbal, il apporte le sens du futur, binisbati al-zilzal, yani le fi'l qui est avant hatta wa zunzilu hatta yaqula, lakin il n'est pas mustaqbal binisbati zaman takallum. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, au moment où il a parlé, au moment où il a révélé ce verset-là, tamam, hatta yaqul ar-rasul mata nasrullah, c'est une chose qui était quoi? Qui était déjà passée. Donc là, il aura le sens de quoi? Il a le sens du passé. Donc là, il y a la condition qui n'est pas respectée. Donc le fi'l al-mudari' qui vient après hatta dans ce cas-là, tu as le choix de le rendre mansoub ou bien tu as le choix de le rendre marfou'. C'est pour ça que tu trouves dans d'autres riwayas que le fi'l al-mudari' tamam, il est marfoua. Donc ça c'est la raison pour laquelle, et nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yarzuqana ilman yanfa'una wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Subhanaka rabbika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum al-hadar min ar-rukun إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.